Sainte Bible selon saint Jérôme, premier livre des Rois, chapitre 7. Quant à sa maison, Salomon la bâtit et l'acheva entièrement en 13 ans. Il bâtit aussi la maison de la forêt du Liban, qui avait 100 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur, et 4 galeries entre des colonnes de bois de cèdre, car il y avait coupé du bois de cèdre pour les colonnes. Et il revêtit de lambris de bois de cèdre toute la voûte qui était soutenue par 45 colonnes. Or chaque rang avait 15 colonnes, placées vis-à-vis l'une de l'autre, et se regardant en face, une égale distance étant entre les colonnes. Et sur les colonnes étaient des poutres carrées entièrement égales. Et il fit le portique des colonnes de 50 coudées de longueur et de 30 coudées de largeur, et un autre portique en face du plus grand, et des colonnes et des architraves sur les colonnes. Il fit aussi le portique du trône dans lequel est le tribunal, et il le couvrit de bois de cèdre depuis le pavé jusqu'au haut. Et il y avait au milieu du portique une petite maison d'un semblable ouvrage dans lequel on s'asseyait pour juger. Il fit aussi pour la fille de Pharaon que Salomon avait épousée une maison d'un ouvrage tel que ce portique même. Tout était de pierres d'un grand prix, lesquelles avaient été sciées d'une certaine forme et d'une certaine mesure, tant en dedans qu'au dehors, depuis le fondement jusqu'au haut des murailles, mais en dehors jusqu'au grand parvis. Les fondements aussi étaient de pierres de prix, de grandes pierres de 10 ou de 8 coudées. Et au-dessus étaient des pierres de prix taillées d'une même mesure, et ainsi du cèdre. Le grand parvis était rond et de 3 rangs de pierres taillées et d'un rang de pierres dorées. Et il en était ainsi dans le parvis intérieur de la maison du Seigneur et dans le portique de la maison. Le roi Salomon envoya aussi pour faire venir de Tyr Hiram, fils d'une femme veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien, ouvrier en bronze, rempli de sagesse, d'intelligence et de science, pour faire toutes sortes d'ouvrages en airain. Hiram étant donc venu vers le roi Salomon, fit tous ses ouvrages. Ainsi il fit 2 colonnes d'airain, chaque colonne de 18 coudées de hauteur, et une ligne de 12 coudées entourait l'une et l'autre colonne. Il fit aussi 2 chapiteaux d'airain jetés en fonte, lesquels devaient être placés sur la tête des colonnes. Un chapiteau était de 5 coudées de hauteur, et l'autre chapiteau de 5 coudées de hauteur, et en forme de raies et de chaînes entrelacées l'une dans l'autre avec un art admirable. Les 2 chapiteaux des colonnes étaient jetés en fonte. Il y avait 7 rangs de réseaux à un chapiteau et 7 rangs de réseaux à l'autre chapiteau. Et il fit les colonnes et 2 rangs autour de chacun des réseaux pour qu'ils couvrissent les chapiteaux qui étaient sur le sommet des grenades. C'est de cette manière qu'il fit pour le second chapiteau. Mais les chapiteaux qui étaient au haut des colonnes dans le parvis étaient faits en façon de lisse de 4 coudées. Et il y avait encore d'autres chapiteaux au sommet des colonnes, au-dessus, selon la mesure de la colonne, contre les réseaux. Mais les grenades au nombre de 200 étaient disposées en rang autour du second chapiteau. Et il plaça les 2 colonnes dans le portique du temple. Et lorsqu'il eut placé la colonne droite, il l'appela du nom de Yachin. Il érigea de même la 2e colonne et lui donna le nom de Bose. Et sur la tête des colonnes, il mit l'ouvrage fait en forme de lys, et l'ouvrage des colonnes fut achevé. Il fit aussi la grande mer jetée en fonte, de 10 coudées d'un bord jusqu'à l'autre bord. Elle était toute ronde, sa hauteur avait 10 coudées, et un cordon de 30 coudées l'environnait tout autour. Et une sculpture, au-dessous du bord, entourait cette mer, l'environnant dans l'espace de 10 coudées. 2 rangs de sculptures striées avaient été jetés en fonte. Et cette mer était posée sur 12 bœufs, dont 3 regardaient l'Aquilon, 3 l'Occident, 3 le Midi et 3 l'Orient. Et la mer était sur ces bœufs dont toute la partie de derrière était cachée en dedans. Or l'épaisseur du bassin était de 3 pouces. Et son bord comme le bord d'une coupe, et comme la feuille d'un lys épanoui. Il contenait 2000 bas. Il fit aussi 10 bases d'airain, chacune de 4 coudées de longueur, de 4 coudées de largeur et de 3 coudées de hauteur. L'ouvrage lui-même des bases était à jour et il y avait des sculptures entre les jointures. Et entre les couronnes et les entrelacs, des lions, des bœufs et des chérubins. Et dans les jointures également, au-dessus et au-dessous, des lions, des bœufs, et comme des courroies d'airain qui pendaient. Et à chaque base étaient 4 roues d'airain et des essieux d'airain. Et aux 4 côtés, au-dessous du bassin, comme de petites épaules jetées en fonte et se regardant l'une l'autre. De plus, l'ouverture de bassin, en dedans, était à son extrémité supérieure. Ce qui en paraissait au dehors était d'une coudée et tout rond, et le tout avait une coudée et demie. Mais dans les angles des colonnes, il y avait diverses ciselures, et les entrecolonnements étaient carrés et non ronds. Les 4 roues aussi, qui étaient aux 4 angles de la base, se joignaient ensemble par-dessous la base. Chaque roue avait de hauteur une coudée et demie. Or les roues étaient telles qu'elles ont coutume de se faire à un char, et leurs essieux, leurs raies, leurs jantes et leurs moyeux avaient été tous jetés en fonte. Et ces 4 petites épaules aussi, qui étaient à chacun des 4 angles de chaque base, avaient été fondues de la base même et y étaient jointes. Au haut de la base, il y avait un certain rond d'une demi-coudée, travaillé de manière que le bassin pût y être placé dessus. Il avait ses ciselures et diverses sculptures qui saillaient. Hiram grava de plus dans les entre-deux des jointures qui étaient des reins, et aux angles des chérubins, des lions et des palmes, comme un homme qui est debout, en sorte que ces choses paraissaient non point ciselées, mais ajoutées tout autour. Il fit de cette manière les 10 bases d'une même fonte, de même mesure et de sculpture entièrement semblable. Il fit aussi 10 bassins d'airain. Chaque bassin contenait 40 bas et était de 4 coudées. Et il posa chaque bassin sur chaque, c'est-à-dire sur les 10 bases. Et il plaça les 10 bases, 5 à la partie de droite du temple et 5 à la gauche. Mais la mer, il la posa à la partie droite du temple contre l'orient vers le midi. Hiram fit aussi les chaudières, les écuelles et les petits seaux, et il acheva tout l'ouvrage du roi Solomon dans le temple du Seigneur. Il fit 2 colonnes et les 2 cordons des chapiteaux sur les chapiteaux des colonnes, et les 2 réseaux pour couvrir les 2 cordons qui étaient sur les chapiteaux des colonnes, et les 400 grenades dans les 2 réseaux, 2 rangs de grenades dans chaque réseau, pour couvrir les cordons des chapiteaux qui étaient sur les sommets des colonnes. Et les 10 bases, et les 10 bassins sur les bases, et la mer unique, et les 12 bœufs sous la mer, et les chaudières, et les écuelles, et les petits seaux. Tous les vases qu'Hiram fit au roi Salomon pour la maison du Seigneur étaient d'airain fin. C'est dans le pays plat du Jourdain que le roi les fit fondre dans la terre argileuse, entre Sokot et Sartan. Et Salomon plaça tous les vases, mais à cause de leur multitude, on ne pesa pas les reins. Et Salomon fit tous les vases pour la maison du Seigneur, l'autel d'or et la table d'or sur laquelle devaient être placés les pains de proposition, et les chandeliers d'or, 5 à droite et 5 à gauche, contre l'oracle d'or pur, de même que les fleurs de lys et les lampes d'or au-dessus, et aussi les pincettes d'or, les cruches, les fourchettes, les patères, les petits mortiers, et les encensoirs d'un or très pur, les gonds des portes de la maison intérieure du Saint des Saints, et les portes de la maison du temple étaient d'or. Ainsi, Salomon acheva tout ce qu'il faisait pour la maison du Seigneur, et il porta ce que David son père avait consacré à Dieu, l'argent, l'or et les vases, et il les déposa dans les trésors de la maison du Seigneur. Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français avec des notes par l'abbé Glaire. Pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie, conçue sans péché,